êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alexandra Carignan nous rend visite pour parler d'art, le temps d'une culture. On parle de nos coups de cœur avec la chronique Tu manges mon cœur. Et on s'apprend une série de choses bien agréables dans C'est un fait Kiki Sexy Time Edition. Assemblage requis commence maintenant. Bon matin, bon lundi 22 octobre 2012, bienvenue à Assemblage requis. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François-Olivier. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. François, dès le matin, dès la première minute, t'as déjà le fou rire matinal. Hein? Ben oui, puis non. Oui, puis non, puis non. Oui, puis non. Oui. D'accord. T'as passé une belle fête de semaine, sinon? Ouais, ouais, ça a bien été, toi. Ouais, on se parle plus, toi, moi. On se parle pas. Ben non, avant, on arrivait ensemble en voiture, tu sais, genre de... Hein? Et depuis quoi, 2-3 semaines, on arrive indépendamment, là? Ouais, exactement. On se parle plus, on se connaît plus. On se connaît pas. Non, t'es qui, toi? Je sais pas. Je sais pas. T'es un ben fin gentil garçon et tu vas passer les deux prochaines heures avec moi, comme tous les matins, du lundi au jeudi. Ouais, exact. C'est le fun. Donc aujourd'hui, l'émission, c'est la journée. Vous le savez, à toutes les deux semaines, on a un creux, si on veut. Un creux? Un creux, dans le sens qu'on a pas de Sébastien Dulude. Non, mais c'est la semaine de relâche, hein? Fait que aussi. Cette semaine, ça va être assez... En effet. Ça va être pas vide, mais il va nous manquer plein de morceaux. De morceaux, exactement. De choix, de morceaux de qualité. On n'a pas de Véronique Mire non plus, mais on a par contre Alexandra Carignan, sa chronique Le temps d'une culture. Elle va nous parler d'art et spectacle, comme toujours. Ça, c'est vers les 8h30. OK. Mm-hmm. Autour de ça, nous, pour meubler, on a des choses les plus divertissantes. Là, je vais commencer ça, tu sais, le matin quand tu te réveilles. Là, des fois, t'as envie de chialer, ça. Ouais. Donc, je vais faire tout le temps de quoi? OK. Ensuite, à 7h30, je ferai... et en fait, on fera, parce que tu participes autant que moi à cette chronique-là. C'est notre chronique à nous deux. Le seul qu'on aime le plus, parce que c'est nous deux ensemble. Là. On a l'impression d'avoir une collaboration et un lien de rapprochement. On fera « Tu manges mon cœur » avec nos coups de cœur de la semaine. Génial. Ou dis-moi, parce que ça fait un mois qu'on l'a pas fait. Et à 8h, on aura « C'est un fait Kinky Sexy Time Edition ». Donc, encore une fois, une émission bien remplie, mais remplie de nous deux, surtout. Et d'Alex. Comme un ménage à trois. Génial. Un ménage à trois. Ça peut être la fun. Ouais. Bien y penser. On commence avec la musique de Damien Robitaille. Voici Omniprésent. Sur C'est fou, 89.fm. Je ne suis pas là. Je suis partout. pour risquer de périr. Bien entendu, bien entendu, je suis assez assidu. Il a le don d'ubiquité à 110% dispersé. Il est ici, il est ailleurs. En long, en large et en travers, j'ai peur que ma vie dérape. Je suis trop souvent dans les vapos, dans les vapos. Je suis dans les vapos, yeah. Je ne suis pas là. La pièce Hélicoptère avec la formation Block Party. Maudus que j'aime ça. Maudus, hein? Maudus. Ah ben, Mozadi. Motazi. Non, Mozadi. Non, c'est... Hein? Maintenant, Assemblage Rocky, il est 7h12 minutes. Et 7h12 minutes le matin, c'est comme c'est si bonheur. Tu te levais, c'est ça, c'est bonheur. Là, tu bats tes toasts, puis là, il se passe tout le temps quelque chose, je sais pas. T'échappes ta toast, ça tombe sur le mauvais côté, tu sais. Elle tombe tout le temps du mauvais tout côté. Le temps, ça, mais c'est... Ça, c'est prouvé. C'est la loi de la physique, hein. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, bref, moi, ça me fait chialer, puis j'aime bien ça chialer. Fait que, tu sais, il y a tout le temps de quoi. Il y a tout le temps de quoi. La vie est faite de moi, t'es pas joie. Qui fait trop frais, soit qui fait trop chaud, soit qui fait trop tard. La vie est faite de moi, t'as pas le choix. Sans qu'il fait trop frais, sans qu'il fait trop chaud, sans qu'arrive trop tard, sans qu'arrive trop tôt. Ah, mais en plus, là, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas chialé. J'ai pas le temps de chialer, on a pas le temps de parler d'affaires qu'on aime, t'sais, on fait plus rien. On fait plus rien. Fait que j'ai accumulé plein de sujets, je sais pas trop, là. Ça, des affaires qui me dérangent dans la vie, t'sais. Par exemple, mettons, tu vas au centre d'achat, t'sais. Mettons. Ouais. Bon. Et puis là, t'arrives, puis il y a un magasin, OK, qui, dans le temps, s'appelait la cabine téléphonique, tu te rappelles? Au Rivière? Ouais, c'est au Rivière, c'est un magasin. Bon, ça existe plus? Non, ça existe encore. Tu peux, okay. acheter des étuis de téléphone ou tu peux avoir un forfait de téléphone pour la compagnie que tu veux. Bon, c'est un peu comme la chose chez Future Shop là, avec plusieurs compagnies. Mais c'est ça, avant, il s'appelait la cabine téléphonique. T'sais. Là, depuis quelques années, ils ont changé de nom. C'est la cabine sans fil. Okay? Partout, okay. Sur leur logo, sur leur pancarte, leurs affiches, c'est la cabine sans fil. Mais leur logo, c'est quoi, tu penses? Cabine téléphonique? Non, c'est un T. Ah. C'est des petits points, OK? Des petits points orange sur une grille blanche. Fait que ça fait un T, tu sais? Ils sont placés comme un T. Mais c'est parce que t'as changé de nom pour la cabine sans fil. Il n'y a plus de T. Il n'y en a plus de T. Comment ça que ton logo, c'est encore un T? Je comprends pas. C'est pour... Je la cache pas. Je comprends pas. Pour téléphone, peut-être? Ben ouais, c'est ça. Mais tu sais, d'abord, appelons ça juste la cabine téléphonique. Tu sais, on s'entend que même si c'est rendu des téléphones cellulaires et non pas des gros téléphones de maison, ça reste des téléphones, hein? Et tu peux garder la cabine téléphonique, je comprends pas. Mais bon, et ensuite de ça, toujours au centre d'achat, on passe dans les restaurants, tu sais. Et là, moi, j'avais vraiment hâte d'essayer les Buddy Burgers. Ouais, t'sais, ouais, escados, là. Ben, c'est ça. Est-ce que toi, comme moi, j'imagine que tu devais penser que c'était un petit peu comme les jumeaux burgers, mais un petit peu plus gros, puis à la longue, tu sais. Ouais. Pas ça part, toi. Ça goûte aucunement comme les jumeaux burgers. C'est juste un burger vraiment cheap, avec juste une boulette de viande, puis ketchup, moutarde, de fond de manie. C'est absolument rien, c'est vraiment plat. Ah. Ça m'a déçu au bout, ça. C'est comme, tu sais, Buddy Burger, Buddy pour moi, ça fait comme, tu sais, le petit Buddy, un petit bonhomme, là, tu sais, genre qui aurait grandi comme un bébé burger dans le temps, les petits burgers en miniature avec du fromage dedans, puis une petite sauce spéciale qui était tellement bon. C'est comme un oncle burger, mais en plus petit, ça, cette affaire-là. Fait que donc, c'est ça, c'est sûr que tu peux prendre un oncle burger, ça fait comme un jumeau burger en plus gros. OK. C'est pas la même chose, je pensais vraiment que ce serait la même chose. Là, après ça, toujours au centre d'achat, hein, là, c'est vraiment la thématique de centre d'achat aujourd'hui. RBC. Tu sais, c'est la Banque Royale du Canada, si on le sait. RBC, Banque Royale du Canada, Royal Bank of Canada. Mm-hmm. Comment ça se fait que depuis quelque temps, il n'arrête pas d'utiliser l'appellation RBC Canada? C'est parce que RBC Canada, ça veut dire Royal Bank of Canada, Canada, tu sais. Banque Royale du Canada, Canada. Mais j'ai pas entendu celle-là. Non, mais sur Internet, en tout cas, ils servent souvent de RBC Canada, sûrement pour différencier avec RBC Bank aux États-Unis, mais quand même, je trouve que ça a l'air con. Tant qu'à ça, juste renommez-vous juste Banque Royale au pire, puis vous avez une édition canadienne puis une édition américaine. Hein? Je comprends pas pourquoi les lettres RBC sont si importantes que ça. Et sinon, je vais avec quelques petites affaires comme ça, en bref, qui m'ont énervé encore cette semaine. Tu sais, je comprends pas, je regardais ça. Tu sais, Nouvelle-Orléans. Ouais. T'sais, comment ça que c'est Nouvelle-Orléans, mais que de l'autre bord, c'est New Jersey puis New York. T'sais? Mais t'as Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Angleterre, Nouvelle-Orléans, tu sais. C'est quoi, on peut pas s'entendre? Est-ce que c'est new? Est-ce que c'est nouvelle? Choisis ta langue, bâtard. Non? Ouais. Choisis ta langue. Choisis ta langue. La. C'est ça. Ouais. Puis sinon, sur YouTube après ça. Sur YouTube, OK? J'étais sur YouTube. Genre, je voulais regarder une vidéo. T'sais. Sur YouTube, ça? Sur YouTube, sur YouTube. Et puis là, il y a une pub qui part, OK? Une pub de 8 minutes 15. 8 minutes 15! François, 8 minutes 15, tu pouvais la skipper après quelques secondes, mais quand même, une pub de 8 minutes 15, on s'entend que c'est moi aussi, pub. Je tombais là-dessus, au fouet. C'est une émission, ça, là, 8 minutes 15? C'est le gars d'essai? Non? Non, c'était pas ça? Il y en a deux, donc, de 8 minutes quelques. Ben, moi, c'était, je sais pas, 8 minutes ou 9 minutes ou 10 minutes. Non, c'est quoi, minutes, là, on s'entend qu'une dizaine de minutes, c'est long. Ouais. C'était pour le bar, c'est là. Je pense qu'il essayait une auto, là. Je sais pas, là. Ça se peut. Mais non, je peux assez vite. On ambitionne, je trouve. Ouais. Sur la durée des pubs. Ça marche pas. Tu sais, moi, celle que j'ai vue, c'était sur le Galaxy Note 2. Je suis le pire là-dedans. Je l'ai regardé au complet parce que ça m'intéressait comme sujet. Et c'est ça qu'ils voulaient qu'on fasse. Mais Colin, c'est parce que j'étais pas là pour regarder ça, tu sais. Fait que je viens de perdre 10 minutes de ma vie, t'sais. Ouais. Mais bon, que voulez-vous? C'est ma faute d'avoir cliqué dessus, hein. De pas avoir cliqué dessus. Fait que c'est ça. Puis l'affaire en même temps, pas plus intéressant, mais au moins il y en avait plusieurs. Hein? Hein? Ouais, c'était un petit condensé de choses qui m'énervent. on va retourner en musique, on va l'entendre une pièce du palmarès. Est-ce que tu veux me choisir une langue? Est-ce que tu as envie d'entendre l'anglophone ou francophone, toi, matin? Allons-y, donc, francophone. Francophone. Mmh. Mettons, je vais du côté francophone, je te dirais que sûrement ce qui tente à merveille, là, ce serait Non? Non, pas ça ici. Je serais pas ça. Est-ce que t'aimes ça? Ah ouais, donc, ah ouais, donc. Ça, il aime ça, hein? Ouais. Oh, moi, je vais y faire plaisir à matin. Trembler, c'est bon. Après avoir chialé, je me dis, il faut bien que je récompense un petit peu François-Olivier d'être la victime de ces chialages tous les matins. Même chose pour vous à la maison. Et je sais que vous aimez vous aussi trembler. Trembler, pour vrai, c'est super bon. C'est excellent. Voici Marie Plastique au 89 FM. Et ça, ben, c'est assemblage requis, hein? C'est pas tous les morceaux qui sont bons. De chronique, les morceaux de musique sont tous. Ah, les morceaux sont excellents. Il devrait y avoir plus de musique dans l'émission. Juste de la musique. T'en mets de l'argent dans ton make-up, t'en mets du temps. T'es pas plus hot, t'es plus quelqu'un, t'es rendu quelque chose. Tu te regardes avec les yeux des autres. Des filles comme ça, y'en a toutes les sortes. Des beautés gâchées sur Photoshop. Qu'est-ce que tu prouves, à qui tu veux le prouver? Est-ce que tu trouves ou tu fais rien que chercher? Marie Plastique, Marie Plastique. Drop ton fer plat, tu travailles trop pour plaire. Moi t'as l'air plate, laisse donc tes cheveux se défaire. Marie t'es belle, pose ton sourire avant que ton visage se déchire. Ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi te l'air? Marie Plastique. Je m'en fous que tu t'habilles en Chanel, en Versace, Gucci, Jean-Paul Gaultier. Tu vaux bien plus que de la ficelle. Marie Plastique. Enlève sans don, ça te va bien, les seins gênés derrière. Mon t-shirt sali, fini du temps que j'habitais chez ma mère. Tu peux rester tranquille, as-tu vu de quoi t'as l'air? Childhood hacks. me myself today. Like some stupid nervous kid, blaming you for the things I did. Talking my way out of things I can't admit. I think I feel something, but it's not love, darling. And this might mean something, but it's not love, darling. Keep a record of your troubles, little pieces of where you've been. John Lomax and Dr. Stone. Something, but it's not love, darling. And this might mean something, but it's not love, darling. Keep a record of your troubles, little pieces of where you've been. She falls in love. She falls in love. She falls in love. She falls in love. She falls in love. And she falls in love all over again. But it's not love, darling. But it's not love. And this might be something. But it's not love. Keep a record of your troubles, little pieces the way you've been. Something, but it's not love, darling. Library Voices et Me, Myself and I, D. Assemblage requis, hein? Ça, c'est bon. Moi aussi, on a chacun nos affaires matin. On aime ça. On aime ça pour la bonne musique. Dans quelques minutes, on va faire Tu manges mon cœur avec nos coups de cœur de la semaine. Et moi, petit avant-goût un peu, là, je me suis donné comme objectif là, de trouver d'autres affaires pour l'Halloween. Donc, j'ai trouvé... D'autres affaires, d'autres déguisements? Déguisements. Ben, déguisements, okay. Décorations. Tu sais, juste décor là, d'Halloween. Truc comme ça, donc on va... OK. Parce que tantôt, parce que ça va être pas mal les dates limites pour commander sur Internet si vous voulez quelque chose pour l'Halloween. Ouais, c'est bien que ça arrive à... C'est là que ça se passe, c'est mercredi prochain quand même, donc on n'attend plus, là. C'est aujourd'hui que ça se passe. Toi, avant-goût, est-ce que t'as pensé un petit peu à ton affaire? Écoute, je te parle d'un spectacle qui va avoir lieu ici même à la Chasse-Galerie. Spectacle? Qui s'en vient. Oh! Mais écoute, je suis tellement certain que ça va être excellent. Ça s'en vient-tu de, mettons, par l'Est, mettons? Ça va ouais, ça sent dans ce coin-là. Avec la minivan. Ouais, je sais pas si elle fait ce son-là. Hein? Non, j'espère que non. Ouais, j'espère que non, mais bon. Passe-moi au garage, moi, là. Pour l'instant, on écoute Peter. Voici un nouvel extrait, Carousel. Sur ce... êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Mathieu et FO sont comme les fraises sur vos céréales, les bananes sur vos rôtis, le sucre dans votre café. Sont-ils essentiels? Non, mais ils rajoutent de la saveur à vos matins. Vous écoutez Assemblage requis. Ben, on se fait comparer à des bananes le matin, toi. Et fine, hein? Et fine pas mal, elle nous flatte dans le sens de banane. La banane. Tantôt, en début d'émission, on a chialé pas mal. Je pense qu'on devrait se racheter. Voici, tu manges mon cœur. Ah, que de divertissement à manger, tant d'argent à dépenser sur ces plats magnifiques qu'on appelle le divertissement. Hein? Et Dieu sait qu'il y en a. Hey, Colin, qu'il y en a beaucoup. Dieu ou Allah ou autre, là. Ou votre Dieu à vous, là. Un chameau. Prost, Mohamed. Donc, peu qui joue à ses fouilles. Moi, je vais parler de choses d'Halloween dans ma partie du segment « Tu manges mon cœur ». Je commence avec un costume que je trouvais vraiment cool. Je sais pas si c'est si facile que ça à faire. Là, je sais qu'il y a une vidéo et des étapes image par image sur assemblagerequis.com. Pour se faire un costume, ça peut être... eux, ils mentionnent un costume de chat, mais fait au maquillage blacklight. OK. C'est du maquillage qui apparaît seulement sous une blacklight. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment comme ça. Eux, ils ont fait un visage de chat sur cette jolie jeune fille. Là, toutes les étapes, là, appliquer du primer, utiliser du liner liquide. Je comprends rien de ce que ça dit, là, mais je sais que ça existe dorénavant. Donc, du maquillage blacklight. Et ça fait un très beau résultat, allez voir ça. Ensuite, d'autres costumes ou en tout cas des décorations, des choses pour l'Halloween. Par exemple, dans ce cas-ci, un costume de l'anatomie d'une personne. Tu sais, l'anatomie, tu sais, les muscles et tout ça. Là. Donc, c'est un costume que tu portes de la tête aux pieds où t'as l'air d'un gars dans un livre de médecine, tu sais. OK. Ça pourrait être cool, ça. Non? Oh, ouais, c'est cool. C'est cool. Bon, t'as un gant de Freddy, un gros chat gonflable, t'as des mains qui sortent du sol que tu peux acheter aussi. Les liens sont tous sur assemblagerequis.com. Un casque, un genre de casque que tu mets sur ta tête et qui te. Ça donne l'impression d'avoir un cerveau à découvert. Ça a l'air quand même bien. T'as un truc qui remplace tes yeux par juste des sockets, des socles. Comment t'appelles ça? Des sockets de yeux avec du sang qui coule. Je trouve ça très joli. T'as des gummy bears super piquants que tu peux donner aux enfants. Super piquant, ouais, super c'est pas piquant. Gentil, ça. Genre la bouche en feu, là. C'est pas gentil. Super hot gummy bears. Non, c'est pas fin. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Il y a des trucs de laine qui continuent avec une barbe de laine. OK. Ça pourrait être cool, ça, comme costume, des longues barbes de laine. J'aime ça. C'est ça. Sinon, il y avait des costumes pour adultes aussi. Un petit peu. 21 costumes pour adultes selon BuzzFeed.com. Et là, c'est vraiment des costumes très, très suggestifs là, qui se servent de l'appareil masculin en plein centre de chacun de ces costumes-là. Donc, tu as le Ring Toss costume. Tu sais, quand t'es enfant, tu lances des anneaux de plastique sur un espèce de petit poteau. Là, ah, genre, ouais. Mais c'est la même chose, mais à la place, tu lances les jambes. Tu as les anneaux attachés après la ceinture. T'as un Snake Charmer costume. Donc, vraiment comme. Avec les qui jouent de la flûte et le serpent enlève. Là, ben, le serpent, tu l'as dans les culottes. Boy. Une drill pour les gars de la construction ici là, qui nous tapent les oreilles pendant l'album classique et rock classique les vendredis pour défaire le trottoir. Ouais, celle-là, j'en avais parlé la semaine dernière. Oh, c'est vrai! Drill, très bonne idée. Très bonne idée. tu me diras s'il y en a d'autres que j'ai fait, que t'avais déjà fait. L'autre, c'est des pâtes avec des saucisses. Tu sais, pâtes et saucisses. Mon Dieu. T'as une grosse saucisse qui sort là-bas. Un pompier. Ou t'as la hose qui te sort à la place de la hose, finalement. Et que c'est niaiseux. Un costume de genre de monstre à un œil. Tu sais, un petit monstre poilu vert, mais qui te sort des culottes. Horny the Clown. C'est un clown avec un genre de levier. Horny the Clown. Horny the Clown. L'autre, tu sais, quand on dit comme un étalon, là, bien membré comme un cheval, là. Ben, à la place d'une tête de cheval entre les jambes. T'as pas, évidemment, t'aurais pu avoir l'autre côté du cheval, ça aurait été encore mieux. Une grosse. En tout cas. Ah, ça, mon préféré, parce que, tu sais, on m'appelle le trépied, comment qu'on m'appelle aussi? The Verge. The Verge. c'est moins beau quand c'est moi qui me le dis moi-même, hein. Ouais, c'est un peu moins... Je vais te laisser le dire. Mais c'est vraiment une troisième jambe qui s'attache après la ceinture. C'est incroyable. Un salami, là, t'es juste déguisé en tant que salami de la tête au genou, mettons. Dick's Famous Hard Salami. Extra thick. un zoo, ou là, c'est quoi qui te sort du... C'est un cheval? Un cheval, je pense que c'est un cheval, encore ça une fois. Okay. Hein? L'autre tournevis. L'autre, c'est un costume genre Morning Wood, Happy Morning. C'est une paire de boxeurs avec une érection intégrée. Mais en tout cas. Ça, c'est facile à faire. Ouais, c'est facile à faire. Ouais. Ça te stimule un petit peu. Là. Puis écoute, ça se fait tout seul. un coq qui sort de là. Un coq, pourquoi pas? Coq. Coq, you know? Coq. Coq. Bon. Le reste, qu'est-ce qu'il y a? La lampe d'Aladin, évidemment. C'est trop propre. une fusée. L'autre est juste déguisé en pénis complètement. Là. T'as le dessus de la tête, c'est le dessus d'œil, puis le bas, c'est le bas, finalement. Une banane, ok, ça va. Et le dernier, c'est... Ah, ça, je l'aime, le dernier, moi. C'est ouais, cool. Le having sex costume, où tu t'es vraiment comme... C'est comme si t'étais couché sur ton lit, donc en arrière de toi, t'as comme un genre de matelas et un oreiller. Et devant toi, t'as un drap et une poupée, donc t'as l'air, quand t'es debout, de tenir une femme et d'être un peu comme dans La Petite Vie, à la verticale, le lit à verticale. Ah oh, ouais, c'est cool. C'est un peu la même c'est chose. C'est très cool, ça. Et ça se vend? Oui, ça se vend. Ouais. Tous les liens, en fait, les 21 de ça et les autres articles d'avant. Il y a toujours quelque chose à vendre. Le lien est là. C'est entre autres sur le site buycostumes.com et costumeshopper.com. Il y en a plusieurs autres. Donc, allez voir sur assemblagerequis.com pour les liens. Et ça, c'était ma partie de Tu manges mon cœur. Et commandez-le maintenant hein, si vous voulez l'avoir à terre. Vérifiez le shipping et prenez le plus rapide. Ah, oh, ouais, exactement. Écoute, c'est assez rapide. Moi, ça va être aussi très rapide. Je te parle d'un spectacle qui va avoir lieu ici à la Chasse-Galerie. Et là, j'invite vraiment tout le monde. C'est vraiment. Tout le monde est leurs amis. Tout le monde est leurs amis, exactement. Écoute, parlez-en. C'est ce que je fais ce matin. C'est la formation East Road. East Road, d'ailleurs, qui a beaucoup joué l'année dernière ici, assez fou. Oui. Avec le simple A Long Way to Go. Exact. Et Danny, on va l'entendre. On va l'entendre tantôt. Danny, Janvier, les a eu en entrevue la semaine passée. La semaine dernière, oui, exactement. Ils ont fait des performances en studio, en direct. Et ça sonnait très bon. Ben oui. En fait, c'est très bon, là. Faut le dire. Là. Écoute, c'est relativement simple. C'est accrocheur, en fait. Que t'aimes quand ça brosse ou pas, ça peut te plaire, en fait. Là. Et évidemment, écoute, c'est une présentation aussi, là, c'est fou. Et puis, le journal Zone Campus, là, bien entendu. Donc, c'est un des premiers spectacles, en fait, là, qu'on organise nous-mêmes. Ouais, c'est pas comme les soirées cachées qui est organisées par d'autres mondes. Exactement, exactement. Fin, et l'équipe des soirées cachées risque d'être là, en fait. Peut-être cool. Pour vous nous annoncer quelque chose. Donc, ça va se dérouler le jeudi 1er novembre à 22h, ici même à la Chasse-Galerie. Là, il y a des rénovations. Écoute, on s'inquiète pas, ça va avoir lieu quand même. Oui, la porte de la Chasse-Galerie, en fait, est une des seules qui est ouverte en permanence. Donc, c'est ça, vous allez rentrer par là, vous n'aurez pas le choix. Pas mal ça. Donc, la formation East Road, c'est ça. Jeudi 1er novembre à 22h, ici même à la Chasse-Galerie, évidemment, c'est gratuit. Oui! Donc, pas de raison de pas venir. Passez par la page Facebook de l'événement pour vous inscrire. C'est super simple. Tapez East Road à la Chasse-Galerie. Là. C'est vraiment pas compliqué à trouver du tout. Ou allez voir sur le Facebook de C'est Fou. Aussi, c'est référence croisée, toi, Web 2.0, etc. Tout est là. Il y a même des extraits à entendre sur la page. Mais justement, allons en entendre un, François. OK. Pourquoi pas A Long Way to Go. Yay! L'extrait qui les a fait connaître, East Road à Assemblage Requis. Song to my ears, just like a lullaby when I go to sleep. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind a rest. Give my mind a rest. Yellow flames dancing through the evening, casting shadows on the wall. I see the little voice in my head, trying to keep me here. Still a long way to go. And goals of my life, and keeping my dreams for tomorrow. slowly dying, slowly dying. Behind these dark gray clouds, the sun always shines. Dirtiest long black night, morning is still alive. When the light of day turns into darkness, I sit by the fire and give my mind a rest. Still a long goals of my life, keeping my dreams for tomorrow. It is slowly dying, still a long way to go to reach the goals. Dreams for tomorrow. It is slowly dying. The crackling of the fire, the sweet song. Formation East Road qui sera en spectacle jeudi 1er novembre à 22h ici même à la Chasse-Galerie avec la pièce Long Way to Go. Un classique! Un classique! Si, c'est fou! Instantané, je te dirais. Dès la première écoute, on savait que ça allait marcher. Ça, on est des devins de même. Là. On est devins de même. On est devins. On est... Ou encore, sinon, on est devant les autres musicalement. On est devant les autres. Devant. Devant. Bon, t'arrêtes avant moi. voilà pour la chronique Tu manges mon cœur, nos coups de cœur de la semaine. On essaie vraiment de le faire tout le temps, mais Colin, trop de contenu. Ça rentre pas. Ouais. Tu sais, quand ça rentre pas, ça rentre pas. Tu te forces pour que ça rentre. non. Donc, au début de l'émission, on a entendu du Block Party. Tu te rappelles, tu devais entendre la pièce Hélicoptère. Ouais. Et moi, j'ai même pas allumé à ce moment-là, Colin, mais ça aurait donc été l'opportunité parfaite pour passer une pièce du palmarès anglophone qui vient juste de faire son entrée. Ah, Block Party! Block Party est de retour, ma bande de. Voici Octopus au 89 FM, c'est fou. Plus tard, c'est un fait Kinky Sexy Time Edition. Si ça peut intéresser quelqu'un, je mentionne ça comme ça. Comme les préliminaires, là. Thanks. Dima et la pièce L'heure et l'endroit à Assemblage requis. Dima! Mais oui, Dima, c'est la pièce titre, ça. Ah ouais. Dur à croire. Je sais pas. Mais non. Tu sais ce qu'on va faire, François? On le promet une fois de temps en temps. Et, tu sais, je dis, je vais le faire, faudrait que je le fasse, ce serait le fun de le faire. C'est là qu'on le fait. C'est là qu'on le fait. Tu sais, Biobazar, tu connais? Danny Janvier. Il y a une pièce sur le palmarès qui s'appelle Skyfish, OK? Au complet. C'est ça. C'est la version, d'habitude, on joue la version radio qui dure, je sais pas combien de temps, de pas durer grand-chose. Un genre de. 3 minutes, peut-être. 4-50, pas peut-être 4-50. Mais on va écouter la vraie, la version de 12 minutes 30. Et t'as pas prouette. Oui. Donc, on s'écoute ça, et puis après ça, on revient avec Kinky Sexy Time. Fait que ça vaut la peine, tu sais. Soyez là. Ça va vous mettre dans le monde, ça. Thank you. décide d'aller en dehors de vous. Bazar et la version complète de la pièce Sky Fish sur l'album Oban Contech à Assemblage Requis. Et Collins, ça vaut la peine, on fait pas ça souvent, hein? Une chanson de 12 minutes 30, ça se prend très au bien. Au complet, une des seules émissions ici en Mauricie. Oui, hein, qui fait ça. Facilement. Non, mais là, tu sais, sinon la seule. On va se péter les bretelles le matin. On aime ça. Faut bien qu'on se récompense et qu'on se félicite nous-mêmes, sinon qui va le faire. Hein? Ouais, c'est ça. Exact. Donc, Biobazar, écoutez, Danny Janvier, du lundi au jeudi, entre 11h et 13h. C'est lui, Biobazar. C'est la fin de la première heure d'Assemblage Requis. On se retrouve tantôt avec Alexandra Carignan et sa chronique Le Temps, une culture. On aura aussi, c'est un fait, Kinky, Sexy, Time, Edition, K-S-T-E-V-V-U-W. OK. Donc, on revient rester là. C'est assez fou pour l'écouter. 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Requis. Lundi 22 octobre 2012, c'est la deuxième heure d'Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plan. OK. Fini. Ça va faire, Mathieu Plante. Oui, Mathieu Plante. Tousignant. Non, pas moins tousignant. Ah, tu veux pas qu'on en parle, de celle-là? Attends, on va couper son montage, reprenons ça. Mathieu Plante! Mathieu Tousignant Plante. Il y a une gomme morte, ça va. Hey. Où ça? C'est une gomme morte. Ah! Ah! Moi, je trouvais qu'il faisait chaud en studio. J'ai même enlevé la buée de Dommy Lunette. T'as fait de moi un animal, Ginette? Hot! Ginette, t'as fait de moi un animal. Ouais, il fait chaud pourquoi, François? On va parler des choses qui sont chaudes. Des choses chaudes. J'imagine? Oui. C'est KSTE, Kinky Sexy Time Edition. Oh. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et cette fois-ci, c'est une Kiki Sexy Time Edition. Donc, c'est aussi des V, mais d'autres sortes de V. Tu sais? Hein? C'est ça, ça s'en va par là-bas. C'est ça. Ça va par là-bas. Donc, commençons avec un homme de 99 ans. Ouais. Qui a divorcé sa femme, qui a, elle, 96 ans. OK. OK. Après avoir été marié pendant 77 ans. Après qu'il ait découvert qu'elle avait trompé son mari dans les années 40. OK. Tu sais, ils sont divorcés après 77 ans de mariage à cause d'une affaire torride qui a eu lieu dans les années 40. C'est quelque chose. Ouais, mais t'es marié... Est-ce que j'ai déjà dit que la vitesse moyenne d'une éjaculation est de 28 000 à l'heure? Je me rappelle 28. Pas. Non, je pense que je te l'avais dit, mais dans une autre façon. Je t'avais dit la distance de l'éjaculation. C'est ça. Des fois, je me mêle un peu. Là. 28 000 à l'heure, voilà. Le sperme qui est absorbé par l'appareil féminin, peut fonctionner comme antidépresseur. Ah ouais? Ouais. Eh bien. Les femmes célibataires ont tendance à être plus attirées par les hommes qui sont déjà pris, OK, que par ceux qui sont disponibles. Les femmes célibataires sont attirées par les hommes mariés ou les hommes OK. Ensuite, les femmes ont tendance à être plus sexuellement attirées par les hommes qui n'ont pas l'air aussi intéressés par elles. Tu sais, les femmes sont attirées par les gars qui n'ont pas l'air attirés par la fille. Tu sais, qui ont l'air comme... À s'en foutre un petit peu. C'est ça comme les bad boys. Hein? Bad boys, what you gonna do when I come for you? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. S'embrasser, OK? Ouais. C'est plus hygiénique que de serrer la main de quelqu'un. Il y a moins de bactéries dans la bouche que sur les mains. OK. C'est bon à savoir. Mais c'est ça. Devine ce qu'est un arpaxophiliaque. Aucune idée. C'est quelqu'un qui est attiré sexuellement par la pensée ou l'espérance, l'espoir de se faire voler quelque chose. Tu sais, mugging, rob, là, tu sais, quand tu te fais voler quelque chose, mettons ton portefeuille, ça t'attire sexuellement. T'es attiré sexuellement par la t'espères te faire voler. C'est ça qui t'attire, qui te fait décoller. L'arpax Sophie. Eh bien. Je comprends pas. Je comprends pas, mais c'est pas grave. Non, tu comprends pas les valeurs. C'est, non? Tu m'as pas demandé de comprendre. Non, c'est ça. Je te demande pas de comprendre. Je te demande, c'est pas le mot. En 2008, aux États-Unis, 18 000 réductions mammaires ont été performées sur des hommes. Ah ouais? 18 000 réductions mammaires. Oh. Tu sais, je m'en viens là. Je veux pas me rendre jusque-là, mais ça s'en vient. Une craque, mon homme. Pour certains hommes, un des effets secondaires de l'éjaculation est d'éternuer. OK. Ah boy. Les sons... OK, j'ai pas l'extrait sonore. OK, je vais le garder pour plus tard. Je vais essayer de trouver l'extrait sonore pendant ce temps-là sur YouTube parce que c'est une chanson de Guns N' Roses. Oh. Guns N' Roses, Rocket a Queen. Oui, je l'ai ici. On va la faire jouer tantôt. On peut acheter un condom de marque Louis Vuitton qui coûte 68$. Eh boy. Pas pire, hein? C'est niaiseux. Pas pire, pas tout. Ensuite, des superstitions, de vieilles superstitions sur le sang menstruel. OK? Le sang lors des règles. Ouais, d'accord? Ouais. Ce que certains appellent la confiture avec pectine. Quoi? Je sais pas. Ça peut... C'est que le sang menstruel, OK? Des superstitions, c'est que ça peut rendre le sperme de l'homme infertile. OK? Que ça peut tuer les insectes. On parle du sang des règles, là. Ça peut tuer des fleurs et ça peut tuer le gazon, selon les superstitions, les vieilles superstitions de dans le temps. Et ben. Good. J'ai trouvé l'extrait de Guns N' Roses. On se passe ça ici. Et les sons qu'on entend dans la chanson Rocket Queen de Guns N' Roses sont les vrais sons de la vraie copine de Steve Adler qui est en train d'avoir des relations avec Axl Rose. Donc, je sais pas c'est où dans la chanson parce que moi, ne pas être expert de Guns N' Roses... On l'a vu. Vraiment pas. Est-ce que... J'avance plus loin encore. Non, pas là non plus, c'est de la guitare. Ça va bien gros ça tomber sur l'extrait, c'est ça. Ça va me faire chercher pas mal. Je pense qu'on se calme. C'est la fin de la chanson, ça doit tomber. S'il te plaît, crie. Pardon. Boring! Belle perte de temps, ça. C'était le fun, ça. Mais bref, il y a des sons d'une femme qui fait des bruits dans Rocket Queen de Guns N' Roses. Si vous voulez l'écouter au complet, trouvez vous-même l'endroit de la chanson. Et bien, c'est ça. C'est les sons de la vraie copine de Steve Adler en train de faire des choses avec Axl Rose. Tu sais, en anglais, on dit souvent avoir les blue balls. Tu sais, des fois, même en français, je sais pas s'il y a un terme pour ça, tu me le diras, là, mais c'est quand tu et là, c'est gênant un petit peu. Mais quand tu sens tes... testicules? Ouais. Tu les sens comme se compresser, t'as comme genre... T'as envie de le faire sortir, genre. Ouais. Tu sais, ça comment faire sortir ça? Le méchant? Faire sortir le méchant, comment on appelle ça, mettons? Ben, je sais pas. Ça a pas de mot, en tout cas. Ça a pas de mot. En anglais, on appelle ça blue balls, d'accord? Et techniquement, ça s'appelle la congestion prostatique. Et okay. C'est avoir mal aux testicules à cause du sang qui est pris, là. Eh bien. Coagulation, congestion sanguine, voilà. Environ 80% des hommes américains sont circoncis, même si l'American Academy of Pediatrics, dit que ce n'est pas médicalement nécessaire. Mais 80% des Américains sont circoncis. Devine ce qu'est le syndrome, là je veux dire en anglais, Genital Retraction Syndrome, donc le syndrome de la du retrait génital, si on veut. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Non. C'est une condition dans laquelle les gens croient que leur appareil génital externe est en train de sont en train de rentrer dans leur corps. C'est comme, ils ont l'impression que leur engin se rentre dans le corps. Ce qui est faux, là. Ouais, c'est ça, j'imagine. C'est bizarre. Hein? C'est très bizarre. Feederism, maintenant, qu'est-ce que c'est le feederism? Aucune idée. C'est un terme qui est utilisé pour décrire une relation sexuelle dans laquelle les deux partenaires obtiennent dans le fond, du plaisir en gagnant du poids, en prenant du poids. OK. Donc, ils aiment ça. Ils trouvent là une source de plaisir. Ben, ils nourrissent l'autre, puis ça le fait grossir, puis c'est belle fois. L'érotomanie, maintenant, c'est un désordre où une personne croit qu'une autre personne, normalement d'un statut plus élevé qu'elle, est en amour avec eux. Donc, dans le fond, c'est quelqu'un qui penserait, mettons, que son patron est en amour avec elle. Mettons. Quelque chose comme ça. Bizarre. Ça s'appelle l'érotomanie. La dyspareunia, je sais pas comment le traduire en français, c'est une condition où les relations sexuelles font mal, causent des douleurs, à cause de causes médicales ou psychologiques. Donc, c'est avoir des relations te fait mal, que ce soit médicalement ou psychologiquement. Une étude de Belgique dit qu'on peut, on peut savoir en regardant comment une femme marche, okay, sa façon de marcher, ça va dire si elle est capable d'avoir un orgasme pendant des relations. Sur une étude, en la regardant marcher. Eh bien, ben. Il y a un kit, un ensemble qui s'appelle le Clone Willy. Clone Willy, Willy étant un surnom pour l'engin masculin, qui vous permet de faire un engin masculin en chocolat, en bonbon ou en suçon. OK. Ou sucette. Ça s'appelle Clone a Willy et on peut acheter ça. La kleptolagnie ou kleptolagnia, c'est l'état d'être... attends un peu, là. Ça ressemble un petit peu à celui que j'ai dit plus tôt dans la chronique, là. C'est d'être sexuellement attiré par se faire voler. Donc, c'est une autre façon de le dire. Ah, OK. Bizarrement. Mais l'autre c'était... L'autre, c'était robbed. Celui-là, c'est theft. Theft, c'est du vol en général. Ouais. Robbed, c'est se faire voler, mettons, sa sacoche dans la rue, là. T'sais. Donc, c'est pas exactement la même chose. Pour ça, c'est pas le même mot. Okay. On s'entend là-dessus? Bon. L'anorgasmie, maintenant. C'est une dysfonction sexuelle dans laquelle une personne ne peut pas se rendre à l'orgasme, même si elle se fait stimuler de façon adéquate. Si on fait toutes les étapes comme il faut, elle ne peut pas se rendre, c'est l'anorgasmie. Il y en a beaucoup des définitions de mots aujourd'hui. La pluchophilie, plushophilia. La pluchophilie. C'est l'attirance d'animaux en peluche, finalement. Aussi simple que ça. Okay. L'attirance peut être sexuelle ou non sexuelle, dépendant de la personne. Dépendant okay. de la personne. OK. Devine, encore un nom que je me demande si je t'ai déjà fait, la grosseur moyenne d'un sein aux États-Unis. Non. Non? Non. Est-ce que tu veux deviner? Ben, je dirais la grosseur, là, tu parles du bonnet? Moi, bonnet, lettres et chiffres. Je dirais non, plus haut. Non, plus haut que ça. C? C, ouais. Chiffre? C, 36. 36, C, exactement. Ouais. 36. Ah, ouais, attends, bravo. Ça dans l'œil, mais vois-tu... Je te comprends pas dans l'œil. Ouais, ouais, j'étais un peu en bas, par exemple. Là, au début, j'ai dit B. Mais bon. Toi, t'étais un petit peu en bas de ça? Non, mais j'ai dit B hein, au début. Mais... Moi, j'étais un petit peu en bas de ça, mais bon, à peine. Il y a 15 ans, c'était 34 B. Il y a 15 ans. Ça a monté de deux chiffres, nombres et d'une lettre. Quand même possible. On a hâte au futur. D'ailleurs, le sein moyen pèse 1,1 livre et contient 4 à 5% du gras du corps. C'est le gras corporel, là, etc. 4 okay. à 5% est contenu dans les seins. Eh bien. On a d'autres faits de ce genre-là dans quelques secondes, mais pour l'instant, on écoute Flat. Voici Sexy Delique. Assemblage requis. De l'horloge infernale. C'était l'information flat et la pièce sexy d'Élic à Assemblage Requis. On est toujours dans C'est un fait, Kinky Sexy Time Edition. On aime bien ça cette semaine. Je pense qu'on va se garder sur des sexy times une fois de temps en temps parce que c'est le fun. Une étude a découvert que la consommation de marijuana avant les relations sexuelles, ça peut augmenter le plaisir sexuel. Sur une vraie étude. Eh bien, mais c'est comme l'alcool. C'est comme, oui. Ça enlève bien des tracas, ça. Une étude a aussi découvert, je me trompe dans mes verbes, c'est pas grave, que les gens qui lisent plus ont tendance à avoir plus de relations aussi. Les gens qui lisent plus ont plus de relations. Très bien. Il y a un type de pieuvre qui s'appelle Argonaute, qui a un pénis détachable. Pour emporter, toi. C'est le fun, ça. Good boy. Avoir des papillons dans l'estomac quand tu vois quelqu'un que t'aimes bien, c'est une réponse causée par l'adrénaline. Donc, c'est un peu comme le stress ou c'est un peu comme... Une réaction que tu peux pas contrôler. Eh bien. 90% des rencontres sexuelles, d'accord? Donc, des choses qu'on fait dans les gangbangs? Non. Si on veut, mais non. Peut durer en moyenne, ou dure en moyenne 15 minutes. 90% des choses, des actes durent 15 minutes en moyenne. Eh bien, je sais pas si ça compte les préliminaires. Le porc épic, mais la femelle du porc épic, okay, utilise des bâtons de bois comme... Pour l'attirer? Non? Dildo. Oh. Mais ben, tu l'as dit? Je l'ai dit. 85% des... Qu'est-ce que tu aurais utilisé comme mot, toi? Ben, quelque appareil chose pour se procurer du plaisir. Absolument. Ben écoute, le terme que tu utilisais était juste. D'accord, merci. C'est pas un terme médical, ça? C'est pas un nom de produit comme Frigidaire ou Kleenex? Non, pas c'est vrai. Pas... 85% des femmes disent préférer avoir des relations dans le noir. 85%. OK. Dans le noir. Le corps humain brûle en moyenne entre 3 et 6 calories lorsque tes tétines deviennent dures. Donc, ça brûle 3-6 calories jusqu'à quand ça devient les tétines. Jusqu'en 1884, les femmes se faisaient envoyer en prison lorsqu'elles refusaient des relations avec leur mère. OK. Jusqu'en 2004? Jusqu'en 1884. Okay, t'as manqué quelques syllabes, je pense. Eh bien. Tu devrais jamais garder un condom pendant plus que 2 ans, parce qu'après ça, il y a un très, très grand risque de fendage. Si on veut. Les chauves-souris ont le plus haut taux d'homosexualité dans n'importe quel mammifère. Okay. C'est les chauves-souris qui ont le plus haut taux. Pas pire, hein? 25% des femmes disent qu'elles pensent que l'argent rend un homme plus sérieux. Plus sexy, je m'excuse. 25% des femmes trouvent que l'argent rend les hommes plus sexy. Yeah. Une étude en 2012 a appris que 95% des femmes rasent leur partie privée. 95%. C'est énorme. Oui. Hein, c'est ouais. Beaucoup. Toi, c'est au naturel. Au naturel. Tout au naturel. Allons-y comme ça. Ah oui. Back to nature. 16% des hommes, quant à eux, rasent leur... leur entrejambe. L'ésodophobie, une autre description, une définition, c'est... C'est quoi? L'ésodophobie. OK. Je te fais plus deviner, tu l'as non, jamais. Non, non. Non, c'est dur. Ouais, c'est beaucoup trop difficile. C'est quand quelqu'un a la peur de perdre sa virginité. Oh, quand même, j'ai peur au cas où que je perdrais ça par hasard total. Oups, je m'enferme, je suis tombé dans un... Eh hey boy. Yep, voilà, c'était glissant. Ça. Une étude. J'ai ça, c'est juste dire une étude parce que je sais pas comment dire le verbe après. Il va falloir que je l'apprenne. Une étude a découvert que la glace dans les restaurants est en fait beaucoup plus sale que l'eau de toilette. Arc. C'est plus sale la glace d'une machine. Arc. Je sais pas pourquoi. Avoir un orgasme, ça peut arrêter ton hockey. OK. Ça peut. Ça peut arrêter ton hockey. La baleine bleue sort, ou lors d'une transaction, là, va sortir environ 40 gallons de sperme. Seulement 10% entre dans la femelle. Et là, on se dit, c'est normal que la mère soit salée. Quoi. C'est pas moi, c'est Twitter qui... boy. Et Colin, des fois, c'est difficile. Il y en a des difficiles. Les testicules d'un homme sont capables de produire 10 millions de cellules de sperme. En une journée, ce qui est assez pour refaire la population de la planète en 6 mois. En 6 mois. C'est énorme. Ouf. J'ai chaud soudainement. Au-dessus de 90% des hommes mentent par rapport à la grandeur de leur pénis. On rappelle le fait de la grandeur du pénis, on l'avait déjà dit, mais en moyenne, c'est 5 pouces lorsqu'en érection. 5 pouces lors d'une érection. Tu nous mens pas, Mathieu, hein, quand tu dis que toi, c'est une verge. C'est ça, je te mens pas du tout. ouais. Donc, les femmes... Les femmes, c'est plus facile. Les femmes ou les fans? Les femmes. OK, les femmes. Excuse-moi, ma voix n'est pas assez nasillarde de même, faut que je dise les femmes. Non, mais j'ai compris les fans. Non. Tu sais, des fans. Non, mais je sais pas, ça pourrait, les deux sont bons, mais dans ce cas-ci, c'est les femmes. OK, les femmes commencent à orgasmer plus facilement, plus elles avancent en âge. Ah, oh. Bon à savoir, ça. Ouais. 95% des femmes disent être allumées. D'accord. Lorsqu'elles se font embrasser dans le cou. Okay. 95%. Une étude suggère qu'un orgasme par jour peut ajouter jusqu'à 8 ans à ta vie. On est presque à la fin, on se rend au climax. Déchirer l'étiquette sur ta bouteille, ta bouteille d'eau, quelque chose comme ça, juste enlever l'étiquette, c'est un signe de frustration sexuelle, dit-on. Les bandes dessinées de Donald Duck, oui, ont été bannies en Finlande parce qu'ils portent pas de pantalon. Ils trouvaient ça inapproprié. Mais okay. ça crée une blague là, que j'espère, je sais pas, peut-être que je te l'apprends. Mais tu sais, l'affaire de. Comment ça fait que Donald Duck, quand il sort de la douche, il se met une serviette autour de la taille? C'est parce qu'il est déjà tout nu en permanence. Ouais. C'est sûrement juste pour absorber l'eau. J'imagine. Il y a une raison derrière. J'ose croire. Et quand même. À l'époque victorienne, les prostituées portaient des perruques sur leur entrejambe pour couvrir leur maladie sexuelle. Ah! Les condoms. C'est le fun ça matin. C'est le fun à savoir. Les condoms, à la base, étaient fabriqués d'intestins d'animaux. Le Argentine Lake Duck, c'est un canard, là, qui a un pénis qui va jusqu'à 17 pouces de long. Il utilise ça comme lasso pour attirer les femmes. Donc, littéralement, il fait. C'est un peu ça. C'est descriptif, hein? C'est comme le nœud papillon dans la pub de la CUI, la chose d'improvisation. Es-tu en onde, cette pub-là? Peut-être pas. La plupart des gens se rappellent de leur premier baiser mieux que que la fois qu'ils ont perdu leur virginité. Ils se rappellent plus de leur premier baiser que la fois qu'ils ont perdu leur petite fleur. Ah ouais. Ouais. Non, surprenant. Il nous en reste trois. Les humains, en moyenne, passent 2 ans de leur vie à avoir des relations sexuelles. 2 ans. En tout, si tu les mets bout à bout. Ouais, j'imagine. Pas si tu mets les pénis bout à bout. C'est ça qu'on veut dire. Il y a plus de vierges qui ont 20 ans maintenant que dans les années 50. Okay. Il y a plus de personnes vierges à l'âge de 20 ans maintenant que dans les années 50. C'est surprenant. L'âge légal, dans le temps, c'était pas mal plus jeune. Puis je pense qu'il y avait des relations pas mal plus facilement avec des personnes plus jeunes. Et t'as utilisé comment? C'était quoi le mot que t'as utilisé tantôt pour remplacer le... C'est un appareil pour te procurer du plaisir. Appareil pour procurer du plaisir. Donc, le plus vieil appareil pour procurer du plaisir a été créé il y a 30 000 ans. Oui, féminin, en effet. Faut le mentionner. 30 000 ans? 30 000 ans. Je sais pas si c'était fait en quoi, mais... C'est beau. En bois. En bois, ouais. En tour de cheval. Ouais. Voilà, pour c'est un fait KSTE, Kinky Sexy Time Edition. Oh boy. Oh boy, pas facile, hein? Pas facile le matin. Pas facile le matin. Oh, c'était dur, ça. C'était en effet très, très dur. Chip, chip, chip. Voici Metric et Synthetica. Shadow of the big screen, every Au retour, la chronique Art et spectacle avec Alexandra Carignan. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. C'est fou depuis un bout. Le plan de demain à assemblage requis. Maxime Tanguay nous fera découvrir un... Non, en fait, il sera pas là, c'est vrai, j'oubliais. Pas Maxime Tanguay, mais Michel Lebrun va être là, par oui, contre. Oui, tout à fait. Pour sa chronique juridique, judiciaire et justicière. Et aussi, David Ferron va s'entretenir avec un ancien habitué de l'émission, monsieur maître Simon Fitzbé. Bon, demain, émission chargée de grands noms. Hein? À 7h, à assemblage requis. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Je vous ferai remarquer que je me suis corrigé moi-même dans non, le... c'est ça. Parce que d'habitude, je m'en rends pas compte. Je fais comme, attends un peu, puis là, je fais comme, attends un peu. C'est pas vrai qu'il y a ça de même, là, t'sais. Je l'ai fait pendant. Mm-hmm. J'avais comme juste 20 secondes. T'es impressionné, là. Hein? Sacré ma Dieu, plante. Moi, je m'arrête ici, j'arrête de niaiser parce qu'il faut être sérieux dans la vie, je pense, hein? C'est ça? Je te regarde, mais. On va présenter. Non, c'est ça, fait que t'as pas là de parler, hein? C'est ça? Fait que t'es comme pas là encore. T'es comme pas là. T'as comme parlé un peu déjà. Ben oui, mais là, t'arrêtes pas de me regarder. Ben non, mais c'est ça, parce qu'on va prendre un petit peu de temps, le temps d'une culture. Encore une fois, il fallait parler par-dessus le début, c'est ça? Un jour, je vais apprendre. Un jour. C'est-tu toi qui laisse des gommes mortes, ça attend? Pas toi? C'est dégueu, là. Non, c'est pas toi. Hein? Non, mais j'y reprends après. Oui. Oh. Mais elle est pas sur la table. Oh. 15 pénis, hein, on touche à ça. Sur les statistiques. Hein. C'est le temps d'une culture avec Alexandra Carignan. Bon matin officiellement. Bon matin. Bon matin. On te rend pas trop inconfortable. On étant je te rends pas trop inconfortable. Juste assez. Juste à point. Ça. Mais question de passer le malaise, nous allons parler de culture. Et de culture, d'exposition en fait cette semaine, plus particulièrement de l'exposition de Marie-Ève Bérubé au Centre culturel Pauline Julien. D'ailleurs, cette semaine, Centre culturel Pauline Julien, le spectacle de Salomé Leclerc. C'est vrai, le 25? Oui. Ça tombe quand, ce jeudi? C'est un jeudi soir. Ouais. Tu y vas, François, je crois? Ben, j'ai pas acheté mon billet encore. Est-ce qu'il reste? Non, je pense que oui. Oui? J'espère. Okay. Parce que sinon, je vais pleurer. Mais en tout cas, je pense qu'il en reste. Et si vous voulez visiter l'exposition tout en regardant le spectacle, c'est une bonne occasion. L'exposition de Marie-Ève Bérubé s'intitule « Espace de clarté ». C'est sa première exposition solo. Il faut dire que Marie-Ève Bérubé œuvre dans le domaine de l'art, mais pas en tant qu'artiste productive, mais bien en tant que responsable des expositions au Centre d'exposition Raymond Lagnier. Alors, elle a beaucoup, beaucoup de connaissances en art, mais ne s'est jamais faite une propre exposition. Et ça a été un grand défi pour elle. Premièrement, en fait, elle s'est beaucoup jugée face aux artistes qu'elle a exposés. Il faut dire que quand tu as travaillé 4 ans dans un centre d'exposition, c'est difficile de te valoriser quand ouais, tu as vu autant d'artistes. Et ça, c'est ce qui l'a beaucoup fait tarder à faire son exposition. Elle faisait beaucoup de toiles chez elle à temps partiel, mais elle a décidé de faire le grand saut. Et ça a été assez particulier. On dit que ça a été difficile d'accepter son art, mais ça a été facile de monter l'exposition avec toute l'expérience qu'elle a eue. Il faut dire que le centre d'exposition, le centre culturel Pauline Julien, je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais c'est particulier l'accrochage des toiles. C'est pas des murs blancs sur lesquels on peut mettre des clous. C'est des espèces de murs en crépi sur lesquels il y a des tiges. Et on peut ainsi accrocher les toiles. Bref, c'est un style un peu moins épuré. Un peu plus rustique. Et ça, c'était son grand défi, parce que d'habitude, elle est habituée d'avoir un grand mur blanc au centre d'exposition Raymond Lagnier et de faire ce qu'elle veut. Mais avec son exposition Espace de clarté, elle a voulu aborder les systèmes géographiques, la cartographie. Donc finalement, les tiges se sont bien incorporées dans son art. Quand je dis cartographie, en fait, c'est que c'est toute une démarche qui a mené à ça. Elle a fait une toile il y a de ça 5-6 ans. Et elle l'avait mis dans sa cuisine. Et le matin, elle déjeunait, elle regardait sa toile, qui était des taches abstraites, en fait. Et elle s'est mise à tracer les taches. et elle a trouvé que ça ressemblait justement à de la cartographie et elle trouvait ça beau. Donc elle, à partir de ça, à la place de faire de l'art abstrait un peu plus, okay. Un peu plus lousse, elle a fait comme des espèces de cartographie et elle a incorporé des tissus, des pochoirs dans ses toiles pour ramener des aspects un peu plus terrestres. C'est une idée aussi du voyage qu'elle aime beaucoup. Elle aime beaucoup, elle aime beaucoup voyager et c'est justement ce qu'elle a voulu montrer dans ses toiles. C'est pas une artiste qui est revendicatrice, donc certains vont dire j'ai fait mes toiles pour parler du tiers-monde, j'ai fait mes toiles pour parler de... Ouais, non, ça, ça, non. Elle dit, moi, je suis pas comme ça. Pas moi, ce que je fais, c'est parce que j'aime ça et parce que je trouve ça beau. Alors, c'est une exposition simpliste, abordable quand même, si vous pensez acheter des œuvres. Et, ça peut tourner autour de combien pour... En fait, ça dépend des formats, puisqu'il y a des formats qui sont immenses dans son exposition et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petit. Donc, ça peut tourner autour de 100-150 $ pour une œuvre là, qui est quand même assez une bonne œuvre et qui est faite par une artiste de la région. Parce que, je dis ça de même, là, mais j'ai déjà acheté une œuvre chez Griffcraft, là, pour ne pas le mentionner. Genre reproduction, photocopie de toi. Ouais, et simplement, reproduction, là, ça peut tourner autour des 150 $. Ouais, les grosses. Et c'est juste une reproduction. Ben oui. Tu le vois que c'est de l'impression sur toile. Alors, moi, j'ai pour mon dire que quand on va dans les centres d'exposition, et son but, c'est justement de pas exposé à des prix exorbitants. Là, parce que normalement, des toiles, ça peut se vendre dans les 600-700, tout dépendant. Je sais que c'est du temps mis. Là, ça, je critique pas du tout le prix des œuvres. Non, non. Mais pour le monsieur, madame, tout le monde, c'est pas évident d'acheter une œuvre quand c'est un prix aussi élevé. Ouais. Alors, Espace de clarté qui sera au Centre culturel Pauline Julien jusqu'au 4 novembre prochain. Donc, jusqu'à la semaine prochaine, il ne vous reste que 2 semaines pour aller la voir. Ça vaut la peine. C'est une artiste de la région qu'il faut justement bien encourager dans un magnifique centre. Ça, il faut le mentionner. Hein. Le Centre culturel Pauline Julien, c'est sous-estimé. Oui, c'est très bien. Et ça fait du bien à la ville de Trois-Rivières. Je pense qu'on peut en voir les effets un peu là, avec bref, les artistes qui viennent nous voir. Là. Mais oui, en fait, c'est que ça permet justement d'inviter les artistes qui sont un peu moins connus avec un public beaucoup plus intimiste. Tout à fait. Avec des œuvres d'art en même temps. Donc, c'est ça pour Espace de clarté. Pour une petite chronique musicale, bref, là, si vous êtes des fans d'électronique, vous avez sûrement vu le lancement d'album de Beat Market, qui est un groupe montréalais électronique. En fait, pas juste électronique, c'est de l'électronique futuriste rétro-euro-japonaise. C'est quand même assez précis, mais c'est quand même très bon. J'ai pas emmené un extrait, j'aurais dû. Mais si t'en veux un, tu le choisis puis je te le donne, t'sais. Choisis celui que tu veux. Alors, Beat Market, qui a sorti son album ce mois dernier. Et moi, j'aime pas vraiment l'électronique. Je suis pas une grande fan d'électronique. Et quand j'ai écouté ça, ben, j'ai trouvé qu'une des grandes forces de l'album, c'est la facilité d'écoute. Okay. Ça s'écoute bien. C'est accessible. Oui, on n'a pas besoin d'être un fan d'électronique pour aimer ça. C'est beaucoup de dance, en fait, que je trouve. On écoute ça, puis rapidement, on bouge de la tête et... on écoute les autres pièces. Deux Montréalais, très simple. Et c'est ceux qui aiment l'électronique vont quand même pas trouver que c'est... Oh, mais là, c'est tellement grand public. Non. Tellement mainstream. Non, c'est super recherché. Ça vaut la peine. Et d'ailleurs, juste pour vous... Si vous faites comme de l'électronique, pour vous situer, ça l'a fait... T'imites donc bien mal le public de l'émission. Je suis aujourd'hui exécrable. Alors, en fait, le groupe a fait la première partie de Plaster, DJ Champion, Mister Valère. Quand même. Qualité Motel qui est Mister Valère. Oh oui. Alors, vous voyez, c'est dans ça. C'est dans le même genre de musique là, électronique, mais facilement accessible. Alors, est-ce qu'on va écouter un extrait de Beat Market? Il y aura de nous suggérer l'album, la pièce, pardon, Aviator 2000. Donc, allons-y avec Aviator 2000. C'est Assemblage Requis dans la chronique Le Temps et une Culture. We'll be right back. Yes, Aviator 2000 de Beat Market sur leur album Red Magic dans la chronique Le Temps d'une Culture. Et oui, Beat Market qui a lancé son premier album, justement, là, le mois dernier. C'est bon? Moi, j'aime ça. Ouais, ouais, c'est bon. Très bon. C'est bloop bloop jeu vidéo pas mal, mais je suis surpris que François aime ça. Non? Et si le nom du groupe vous dit quelque chose, eh bien, ils étaient au Trou du Diable en mars dernier. OK. Peut-être ça. Sinon, ben, je sais pas aussi que ça vous dit quelque chose. Ben là, découvrez-le vous-même, le cherchez un peu. Découvrez-le vous-même. Arrêtez d'y penser, puis ça va venir. Ça a l'air bien chinois, là, mais c'est super québécois. C'est très asiatique, en effet, dans le look. Le logo a des symboles. Oui, mais c'est ça, c'est de Montréal. Là. C'est très, très bon. Cool. Parlons un petit peu des articles que tu vas couvrir dans le prochain Zone Campus. On n'ira pas dans les détails, mais en surface, mais non. En surface, écoute, moi, j'ai été au lancement du groupe Trifluvien. Ben, pas Trifluvien, mais Mauricien East Road, jeudi dernier. Mm-hmm. Donc, je vais couvrir ça. Vous expliquer en fait mes impressions sur ça, mais aussi présenter un peu l'histoire du groupe. Aussi Bernard Adamus, que j'ai interviewé il y a de cela quelques semaines, et j'ai été voir le spectacle le 11 octobre dernier. J'en fais ma critique, et en même temps, je critique un peu son dernier CD, qui est numéro 2. Sinon, je vais parler de la dernière exposition de la galerie R3. D'ailleurs, on peut le mentionner brièvement, là, la galerie R3 qui présente Dessine-moi une galerie d'art jusqu'au 30 octobre. Donc, quand le journal va paraître, là, ça va déjà être la fin. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est magnifique. Ils ont littéralement dessiné sur les murs. Alors, c'est de très beaux dessins et franchement, ça honore bien la dernière exposition de la galerie R3. Sinon, on va parler du dernier match de la Luître et de la nouvelle exposition au Centre Presse Papier. Ce sera dans le prochain numéro de Zone Campus la semaine prochaine. Oui. On te retrouve tous les lundis à 8h30, ça te va, ça? Oui, ça me va très bien. Mettons 8h30. Oui, 8h30, tout le monde, on se prend rendez-vous. What? Sinon, vous n'avez pas besoin d'écouter le reste, vous arrivez juste à 8h30. C'est moi. Et vous repartez tout de suite après. Que je vous voie, ma bande de vous autres. Merci beaucoup, Alexandra. Il n'y a pas de boudoir ce soir. No boudoir tonight. No boudoir tonight. No boudoir tonight. Mais ça va revenir lundi prochain à 18h. Exactement. Superbe. On va écouter du Bernard Adamus tout de suite avant de terminer l'émission. Arrange-toi avec ça, comme on dirait l'autre. Comme dirait l'autre. Parce que comme dirait l'autre. Il va y avoir des nouvelles phrases. Comme dirait la chanteuse de Canaille. Elle est sur la dans chanson. La... Oh, un lien, hein? Y a du monde qui te vole, d'autres t'en doivent. Du monde c'est le même, cours après le samedi. D'autres t'as bien la peine qui s'aiment. J'ai pour mon dire que les poches bien pleines. Quand ils regardent pas, ils vident les tiennes. Du monde dans le toit, mais d'autres dans le chemin. N'est que tout un autre qui se plaint. N'est que tout un autre qui se plaint. Deux, trois becs plates, avant d'y aller. Pis ben du courage pendant le souper. À tous les soirs, il est 22h. Y a du monde quelque part, ça a l'air ailleurs. Des gars bien croches qui roulent la porte. En tout du monde bien drette, ça coupe des plages. Y'a le 9 à 5. Mais tu sais que ça c'est ce quand tu te crossiens. Fais avec ce que tu as quand tu n'as pas. On est gros, puis on est là, puis on mange. Mais tu gardes. Moi je préfère la Mont-Royal, j'ai qu'un aimé. Ça se parle, surtout quand il fait beau. Avec le jet du pire, puis c'est pas si pâté chinois. Bien-être de canaille à Assemblage requis. Ça, ça met de bonne humeur. J'aime ça, moi. On aime ça, c'est entraîné. Ça a pris du temps avant que je m'habitue à ça, on dirait. Ouais. Ouais, c'est particulier. Ouais. Même chose pour Bernard Adamus, évidemment, et sa pièce qui s'appelle Arrange-toi avec ça, sur l'album numéro 2. Voilà pour Assemblage requis pour aujourd'hui. On se retrouve demain entre 7h et 9h. Et demain, qui est-ce qu'il y a? On a à l'émission. Demain, on reçoit Michel Lebrun avec sa chronique juridique. Mm-hmm. Et aussi David Ferron qui va s'entretenir avec un ancien habitué de l'émission, un ancien chroniqueur qu'on appelle Simon Fitzbé. Simon Fitzbé! Simon Fitzbé à l'émission de demain. Sinon, on va se faire un paquet d'autres chroniques maison. Ça va être ben gros le fun. Ben gros le fun. On va écouter Toy pour terminer l'émission avec Colors Running Out. Restez à l'écoute pour le dîner de con avec Danny Janvier. Ça commence à 11h. Ensuite, plein d'autres choses, mais qu'on vous dit pas parce que c'est la semaine de relâche. Donc, Toy, Colors Running Out. Bye, François. Bonne journée. Bye-bye. À demain.